Énergie Antilles, tous les hits numéro 1. À Saint-François, sur 102.6. Little boy, little boy, oh, we look good, look good. Champagne qui fraise, la main qui pète et balle. Baby, dis-moi tout ça qui j'a fait mal. Où soyez à la ligne qui est passé pas soleil. Baby, où éblouis-moi. Et puis l'été, bois baby, pendant coup. Chérie, sa belle chérie, fais tant là. Dis-moi qui l'homme, où les nous fait l'amour. On nous parlait, parlait franchement. Combien fait l'amour, fais-moi plaisir. Relais, non, moi, en moi, fais-moi plaisir. Fais l'amour, fais-moi plaisir. Oui, le nom, moi, en moi, fais-moi plaisir. Oui, le nom, moi, s'il vous plaît. Mon lien ou gâteau de ça pas normal. Au fond, tout béli cherché honi. En pitié pour faire ouïe, c'est holy. Sorry, not sorry. Trigonocéphale. Mon lien ou gâteau de ça pas normal. Au fond, tout béli cherché honi. En pitié pour faire ouïe, c'est holy. Sorry, not sorry. Combien fait l'amour, fais-moi plaisir. Oui, le nom, moi, en moi, fais-moi plaisir. Fais l'amour, fais-moi plaisir. Oui, le nom, moi, en moi, fais-moi plaisir. Oui, le nom, moi, s'il vous plaît. Ma bébé, oui, le nom, moi. Au sous contrôle, oui, le nom, moi, s'il vous plaît. Ma bébé, oui, le nom, moi. Saint-François sur 102.6. Little boy, little boy, oh, we look good, oh, we look good.